بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 90 dans la lecture du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on expliquait dans les cours passés les points qui ont rapport avec Al-Wala wal-Bara, wal-Hubbu fillah, wal-Burdu fillah, et les versets qui ont été mentionnés à ce sujet pour établir la preuve que yani, la position de ceux qui croient en Wahdatul Wujud, elle est en contradiction avec les textes du Coran. Puisque pour eux, étant donné que tout, comme ils disent, tout ce qui existe est Allah et qu'il n'y a pas de différence entre créateur et créature, donc ça impliquerait que yani, le bon et le mauvais, le bien et le mal, le pieux et le pervers, le mushrik et le muwahhid, tout ça serait pareil. Et donc, quand on regarde les versets au sujet de Al-Wala wal-Bara, on voit que cette idée, elle est fausse. Et le cheikh, il continue encore donc sur la réfutation des idées de ceux qui croient en Wahdatul Wujud. Et il dit, « وَهَاُولَاءِ قَدْ صَنَّفَ بَعْضُهُمْ كتبا وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض المسمى بنظم السلوك يقول فيها لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي كلانا مصل واحد وساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعتي إلى أن قال وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلتي فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادا أجابت من دعاني ولبتي. Donc ici Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il explique que parmi les gens de Wahdatul Wujud, il y en a qui ont écrit des poèmes et des livres selon la croyance, ou pour expliquer, ou pour exprimer la croyance de Wahdatul Wujud. C'est-à-dire l'idée que il y en a tout ce qui existe est Allah et qu'il n'y a pas de différence entre le Créateur et la créature. Et parmi les exemples de ça, il y a le poème de Ibn al-Farid. Un parmi les égarés et les hérétiques qui croyaient en Wahdatul Wujud. Et il a écrit un poème qui s'intitule Nazm al-Suluk, ou Nazm al-Suluk. Et dedans, il mentionne ou il exprime l'idée que, yani, quand il fait sa prière, son âme, il prie à lui-même, en voulant dire qu'il croit qu'il est Allah. Hein? Allah Musta'an. Et donc, dans tout son poème, c'est l'idée qu'il exprime. Puis il dit, par exemple, à la fin, que je suis le messager et je suis celui qui répond également à l'appel. Hein? En voulant dire qu'il n'y a pas de différence entre lui et Allah. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, « Allafu kutuban fi wahdatil wujud minhum ma marra bikum » Kutub ibn Arabi, Al-Futuhat Al-Makkiya wa Fusus Al-Hikam ومنهم من نظم على مذهبهم منظومة كابن الفارض اسمه منظومة السلوك أو باسم منظومة السلوك التي يصرح فيها بأنه ليس هناك خالق ومخلوق وإنما الكون كله سواء وأنه يصلي لنفسه ويعبد نفسه لأن نفسه هي الله وهو لا فرق بينه وبين الله وكله من هذا الكون وابن الفارض هذا من أهل وحدة الوجود من أتباع ابن عربي، وقصيدته التائية متبوعة ومتداولة وتنشر ويعتني بها ويعتنى بها الآن وتشرح عند هؤلاء. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il explique que parmi les gens de Wahdatul Wujud, il y a parmi eux des gens qui ont écrit des livres pour exprimer et expliquer leur croyance en l'unicité de l'existence, comme ils l'appellent, le fait que pour eux tout est Allah, et Allah est tout, et que tout ce qui existe, hein, c'est Allah, il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, et que toute la création, c'est Allah. Parmi ceux qui ont écrit à ce sujet, il y a, comme on l'a déjà mentionné, Ibn Arabi, et on a cité certains de ses écrits, comme par exemple Al-Futuhat Al-Makkiyah, et son autre livre Fusus Al-Hikam. Et ça, c'est deux parmi ses livres. Il en a beaucoup plus que ça. Mais ça, c'est deux parmi ses livres dans lesquels il y a des graves égarements de ce genre. Donc, il dit que parmi les auteurs, il y en a d'autres également qui ont écrit des poèmes. Ils ont écrit des livres, mais sous forme de poèmes, pour exprimer leur croyance en Wahdatul Wujud. Et parmi eux, il y a un individu qui faisait partie des élèves de Ibn Arabi et qui a écrit un poème qui s'intitule Manzumatus Suluk ou Nazmis Suluk. Et dans ce poème, il exprime et il dit de façon explicite que il n'y a pas de créateur et de créature, mais que toute la création, c'est Allah, hein, c'est lui. Peu importe que ce soit la créature ou le créateur. Et qu'il prie à lui-même. Et qu'il adore lui-même. Il adore son âme. Hein? Et que son âme, c'est Allah. Et donc, il considère qu'il n'y a pas de différence entre lui et Allah. Parce que de toute façon, pour lui, tout ce qui existe dans la création, c'est Allah. Donc, Ibn al-Farid fait partie des gens de Wahdatul Wujud. On a déjà parlé de lui dans les cours précédents. Et il fait partie des gens qui ont suivi, hein, fait partie des adeptes de Ibn Arabi. Et il a son poème qu'on appelle Ta'iyya. Et ça fait partie de ce poème-là. On appelle Ta'iyya. Et parmi les comme par exemple, pourquoi on l'appelle Ta'iyya? C'est parce que la dernière lettre de chaque vers, c'est le T. La lettre Ta. Donc, il y a différentes formes de poèmes en arabe. Et il y en a, par exemple, certains poètes, ils se disent, bon, moi, je vais faire un poème. Dans tout mon poème, la dernière lettre de chaque vers va être une lettre en particulier. Donc, si c'est le M, eh bien, on l'appelle Mimiya. Si c'est le Mim, c'est le Mimiya. Si c'est le Noun, on l'appelle Nouniya. Si c'est Ta, on l'appelle Ta'iya, et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-ci, c'est Ta'iya de Ibn al-Farid, qui s'intitule Nazm al-Suluk. Et bien, subhanallah, comme le Cheikh le mentionne, et ça c'est une chose qui est étonnante, c'est que ce poème-là, il est publié actuellement, il est en vente dans certaines librairies d'égarement, et c'est diffusé, distribué. Et il y a des gens qui se chargent de s'occuper de ce genre de poème-là et de sa distribution et de sa publication et de son explication, hein. Chez certains d'entre les soufis, hein, ils s'assoient pour expliquer ces paroles-là. Et c'est comme s'ils utilisent ces livres-là pour faire revivre ces croyances d'égarement, hein, et pour les propager. Donc il y a une da'wa à cette voie-là. Il y a une da'wa qui est faite vers cette tendance. Hein. Et ça, c'est comme si certains, par exemple, ils s'imaginent que c'est quelque chose qui existe seulement dans les livres. Comme s'ils disent, ah, mais il n'y a personne qui croit en Wahdatul Wujud pour de vrai. C'est juste des trucs dont c'est juste des sujets dont les savants ont parlé, hein, dans les livres. Et c'était des choses qui se sont produites il y a des siècles en arrière. Et que ces choses-là, aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que c'est des croyances qui sont mortes. Hein, c'est des sectes qui sont mortes et enterrées. On n'en entend plus parler de nos jours. Et ça, c'est totalement faux. Hein? De la même manière que les gens qui adorent les tombes, qui prient à des saints, qui font des pèlerinages aux morts et toutes sortes d'autres formes de shirk, ces choses-là ne sont pas du passé. Ces choses-là existent actuellement et aujourd'hui, il y en a partout dans les pays musulmans, hein? Dans tous les pays musulmans, on retrouve ce genre de pratique et ce genre de croyances. À l'exception peut-être de l'Arabie Saoudite, à cause de la da'wa qui a été établie là-bas pour enrayer ce genre de pratique-là, la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est la da'wa salafia. Mais malgré ça, peut-être que parmi les gens qui vont en Arabie Saoudite chaque année pour faire la Umrah ou pour faire le Hajj, eh bien parmi eux, il y en a qui vont là-bas puis qui pratiquent ces choses-là lorsqu'ils partent pour le Hajj, et même si ils ne le font pas de façon apparente ou ouverte, mais ils y croient, hein? Ils y croient. Parce qu'en Arabie, alhamdoulilah, les autorités, ils ne permettront pas à quelqu'un de pratiquer ce genre de shirk de façon apparente et ouverte. Hein? Parce que c'est des choses qui sont en contradiction avec l'islam, avec le Coran et la Sunna. Tandis que yani dans d'autres pays, par exemple, si des gens veulent faire ce genre de choses, on ne va pas nécessairement leur interdire de le faire parce que pour eux, c'est quelque chose qui est permis. Hein? Dans certains pays musulmans, les autorités ne voient pas de mal à ce que des gens adorent des morts ou prient à des tombes. Parce que parmi les gens qui sont justement les représentants de l'autorité religieuse dans ces pays-là, eh bien, on en retrouve qui ont la même croyance, hein, que ces gens-là, et qui sont d'accord avec ce genre de pratiques, qui sont pourtant en contradiction avec les fondements même du témoignage de la ilaha illallah et des principes fondamentaux de l'islam. Donc ça, c'est des exemples. Et donc, il faut pas dénigrer ou sous-estimer ou négliger l'importance de la clarification de ces égarements-là, hein, ou de dire par exemple, ah, oh, mais vous, pourquoi vous parlez toujours de ces sujets-là? Il n'y a personne qui croit en ça, il n'y a personne qui dit ça aujourd'hui, et pourtant c'est faux. Il y en a qui disent ça. Et ces idées-là existent et sont propagées parmi les gens, parmi les non-musulmans et parmi les musulmans. Parce que les soufis, hein, même si on les entend pas sur les coins des rues en train de parler de ça, mais dans leur centre et dans leur lieu de culte, les endroits dans lesquels ils se réunissent pour faire leur bid'a et le shirk, eh bien, ils prêchent ces croyances-là, ils enseignent ces croyances-là. Hein? Et aujourd'hui, vous allez sur YouTube, par exemple, et vous trouvez des soufis qui mentionne ces idées-là ouvertement et qui les prêchent ouvertement et qui font des formes de qui pratiquent le shirk et le kufr de façon ouverte et apparente. Hein? Donc c'est pas des choses qui sont du passé, c'est des choses présentes et qui existent actuellement et c'est pour cette raison-là que c'est nécessaire de combattre ces croyances-là et de les réfuter avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et c'est pour cette raison-là que Cheikh Al-Fawzan, il donne à ça beaucoup d'importance et qu'il fait beaucoup d'efforts pour justement enrayer ces genres de pratiques et de croyances. Le Cheikh, il dit ensuite, Laha, yani nafsu, laysat lillahi salatuhu, li'annahu kulluhu huwa Allah, kullu dunya huwa Allah, fa ana usalli li nafsi. لأنني أنا الله هذا كلامه والعياذ بالله، أن نفسي صلت لي، وليس هناك صلاة لله، وإنما صلت له هو، لأنه هو الله، ولا فرق بينه وبين الله، لأن الكون كله مظهر واحد، هو يسجد لنفسه لأنه هو الله، ويعبد نفسه، لأنه لو قال يعبد الله لصار هناك فرق بينه وبين الله، ولا فرق، هو الله وحده، هو يصلي يعبد نفسه لأنه هو الله، ليس هناك خالق ومخلوق. الرسل ليسوا من الله، الرسل منه إليه، رسوله إليه، لأنه هو الله، وليس هناك عبد ورب، هو الشيء كله واحد، فالرسل منه وإليه، وهو الداعي وهو المجيب. ليس هناك رب يدعى، ليس هناك رب يدعى ويجيب، هو الداعي وهو المجيب لنفسه. Donc le cheikh ici, il paraphrase leur croyance, et qu'est-ce qu'il il paraphrase, qu'est-ce qui est exprimé dans le poème de Ibn al-Farid. Donc quand il commence à partir du passage que Ibn Taymiyyah a cité, laha salawati bil maqami uqimuha ashhadu fiha annaha liya sallati. Donc c'est comme s'il est en train de dire laha, c'est-à-dire à son âme, c'est à lui-même qu'il a prié. C'est pas à Allah qu'il prie. Parce que pour lui, tout ce qui existe, c'est Allah. Donc, toute la dunya est Allah. Donc, il dit, je prie à moi-même. Parce que je suis Allah. Ça, c'est sa parole. Wala'iyadu billah. Donc, c'est grave. Des paroles de kufr. Il dit, donc, mon âme, elle a prié à moi-même. Il n'y a pas de prière pour Allah. Il prie uniquement à lui. À lui-même. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est Allah. Il est Allah. Et tout ce qui existe est Allah. Donc il n'y a pas de différence entre lui et Allah. Parce que toute la création n'est qu'une seule apparence. Et il dit, donc il se prosterne à lui-même parce qu'il est Allah et il adore sa personne. Il s'adore lui-même. Parce que s'il disait j'adore Allah, eh bien ça veut dire qu'il y aurait une distinction entre lui et Allah. Et pour eux, il n'y a pas de différence. Il est Allah lui-même. Et donc, il dit qu'il il fait la salat et s'adore lui-même parce qu'il est Allah. Il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Et même les messagers, ils viennent d'Allah et ils sont envoyés à Allah. Donc, Allah, il envoie lui-même les messagers à lui-même. Donc il est Allah, il n'y a pas de serviteur et de seigneur, parce que tout ce qui existe est une chose unique, et les messagers sont envoyés de lui-même à lui-même. Et celui qui est appelé, et celui qui répond à l'appel, les deux c'est la même chose. Donc il n'y a pas de personne qui est appelé et qui répond. Tout celui qui appelle et celui qui répond, c'est la même personne. C'est-à-dire, c'est Allah. Et tout ce qui existe est Allah. Donc, c'est de la folie, yani, Allah musta'an. Après, il donne un autre exemple. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il donne un autre exemple. Il dit, « Ila amthal hadha al-kalam. Wa li hadha kana hadha al-qailu inda al-mawti yanshudu wa yaqul إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاط أحلامي. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que Il y a beaucoup d'autres exemples de paroles de ce genre dans leurs livres et dans leurs écrits. Et il dit que celui-là, par exemple, donc Ibn al-Farid, lorsqu'il est mort, eh bien, il a mentionné et il a dit ces paroles en poème. Il a dit « إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي » Donc, il dit « Si mon degré dans l'amour pour vous est tel que je le vois ou tel que je l'ai vu, alors j'ai perdu mes jours, j'ai gaspillé mon temps. « أُمْنِيَّةٌ ذُفِرَتْ رُوحِي بِهَا زَمَنًا وَالْيَوْمُ أَحْسِبُهَا أَضْغَاتُ أَحْلَامِي » Yani, c'est des faux espoirs dans lesquels mon âme elle a perdu beaucoup de temps et aujourd'hui je les considère comme étant des rêves délirants, des délires de l'âme. Donc, il réalise à la fin de sa vie qu'il a perdu son temps dans ses fausses croyances et dans ses idées et dans ses égarements-là. Parce qu'au moment de la mort, il voit la réalité et il réalise que tout ce qu'il avait comme croyance, eh bien, ça, il voit que c'était totalement faux. Et c'est ça que Ibn Taymiyyah, yani mentionne ici à son sujet. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant, « هذا الناظم لما حضره الموت رأى وراء الملائكة تريد قبض روحه يعني أدرك خطأه وأنه على ضلال لكن ما ينفعه ذلك كل كافر عند الموت يعترف بكفره وخطئه لكن ما ينفعه ذلك فات الأوان وإلا إذا انكشف الأمر وحضرت الملائكة كل يعلم خطأه الكفار والملحدون كلهم يعلمون أنهم عباد الكفار والملحدون كلهم يعلمون أنهم عباد وأن لهم ربا يرجعون إليه فيعلنون التوبة لكن لا تقبل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لا تقبل التوبة حتى فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لا تنفع التوبة وقت الغرغرة لا تنفع ولهذا كان هذا القائل عند الموت ها هذا القائل وهو ابن الفارض كما روي هذا عمن حضره عند الوفاة أنه أدرك ضلاله وقال لقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي يعني تبين أن ما هو عليه أضغاث أحلام ليس له حقيقة وهو باطل لو كان لا يوجد رب كما يقول والكون كله الرب وجاءت الملائكة تقبض روحه فدل على أنه عبد وأن الملائكة رسل من الرب سبحانه وتعالى donc le cheikh il explique que يعني celui qui a mentionné ces vers ici c'était au moment de la mort. Il a vu les anges qui veulent venir prendre son âme et il a réalisé à ce moment-là son erreur et qu'il était dans l'égarement. Mais yani, toute personne mécréante, lorsqu'il meurt, il reconnaît son égarement et son erreur et sa mécréance, mais cela ne lui profite en rien. Et cela ne lui profite en rien, pourquoi ? Parce qu'il est trop tard. Au moment de la mort, les choses se dévoilent. Et les anges sont présents, et chacun reconnaît son erreur à ce moment-là. Que ce soit des koufars, des athées, des mécréants, des mouchriquines, ils réalisent à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la mort, qu'ils sont des esclaves, des serviteurs, et qu'ils ont un seigneur vers qui ils retournent. Et à ce moment-là, ils expriment et ils montrent leur... Ils montrent et ils divulguent leur repentance, sauf que leur repentance à ce moment-là ne peut pas être acceptée. Hein? Comme Allah il le mentionne dans le verset 18, dans Surat An-Nisa, hein, lorsqu'il mentionne que la repentance n'est pas pour ceux qui font des péchés jusqu'à ce que la mort leur vienne et qu'ils disent à ce moment-là, maintenant je me repens. Même Pharaon, hein, lorsque il s'est noyé, au moment où il se noyait, hein, il dit, comme c'est mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 90 et 91 dans Surat Yunus, il mentionne, il cite les paroles de Pharaon. Il dit que Pharaon a dit, je crois que rien ne mérite d'être adoré excepté la divinité que les fils d'Israël, hein, en quelle ils ont cru. C'est-à-dire, je crois. Donc, Pharaon, il dit, je crois, à ce moment-là, au moment qu'il est en train de se noyer. Il dit, je crois que rien, hein, et personne ne mérite d'être adoré, excepté la divinité en laquelle les fils d'Israël ont cru. Et je suis du nombre des musulmans. C'est-à-dire, je suis du nombre de ceux qui se sont soumis. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond en disant, est-ce que c'est maintenant que tu déclares cela, alors que tu as auparavant désobéi et que tu faisais partie des gens qui semaient le désordre? Et donc, la repentance ne lui est d'aucun, hein, d'aucun profit, d'aucun bienfait à ce moment-là, au moment qu'on appelle en arabe al-gharghara. Hein, c'est-à-dire au moment où l'âme a atteint la gorge et qu'on entend le bruit, hein, de l'âme qui est extripée de son enveloppe corporelle, hein, et que le son qui sort de la gorge de la personne, hein, c'est un bruit qui ressemble à al-gharghara, hein, comme quelqu'un qui est en train de souffler l'âme, de laisser sortir son âme, comme s'il se noyait à ce moment-là. Et c'est pour ça que l'auteur de ce poème, Ibn al-Farid, il mentionne, comme ça a été cité par ceux qui étaient présents lors de sa mort, qu'il a réalisé son égarement à ce moment-là. Et il comprend qu'il a gaspillé son temps, il a gaspillé ses jours, ses journées, pendant qu'il était vivant, avec des faux espoirs. Et il a donc perdu beaucoup de temps. Il dit, mon âme a perdu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je réalise que tout ça, c'était des rêves. Hein? C'était des délires. Des choses fausses. Qui n'ont aucune réalité. Des choses complètement, hein, erronées que j'avais comme croyance. Et il dit, le cheikh, que effectivement, s'il n'y avait pas de Seigneur, comme eux ils le prétendent, et que toute la création est Allah, alors que ils voient les anges venir prendre son âme, eh bien ça c'est la preuve qu'il n'est qu'un esclave, et que les anges sont les messagers du Seigneur, hein, qui viennent pour prendre son âme. Donc c'est la preuve que il y a un Seigneur et il y a un serviteur. C'est pas tout comme eux le prétendent, que tout est Allah et que il y a pas de différence entre créateur et créature. Donc ça c'est totalement faux selon les preuves du Coran. Le cheikh il dit ensuite. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il continue et il dit فَإِنَّهُ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ هُوَ اللَّهُ فَلَمَّا حَضَرَتْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه قال الله وقال الله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله ليس هو الله. Donc le cheikh il explique ici d'autres exemples pour réfuter les croyances de ces gens-là. Donc, il dit ici, par exemple, que celui-là, Ibn al-Farid, il pensait qu'il était Allah. Puis lorsque, au moment de la mort, les anges sont venus pour prendre son âme, eh bien, il a considéré, il a réalisé la fausseté de ce qu'il pensait auparavant. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, انظر فإنه كان يظن أنه هو الله في حياته فلما جاءه الموت عرف أنه ليس هو الله ومنظومة ابن الفارض هذه رد عليها رد عليها بعض العلماء بعنوان تنبيه الغبي على كفر ابن عربي على كفر ابن عربي ورد على هذه المنظومة نثرا علق عليها وهو مطبوع وعليه تعليق للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وهو مطبوع ومتداول ومتداول الذي رد عليها اسمه البقاعي. Donc le cheikh il dit, regardez maintenant comment Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit, il pensait qu'il était Allah pendant sa vie. Et lorsque la mort est venue, il a su qu'il n'est pas Allah. Hein? Et donc, ce poème de Ibn al-Farid a été réfuté par certains ulama. Et le titre de cette réfutation, c'est le livre « Tanbih al-Rabi ala kufr ibn Arabi ». Hein? Donc, la notation, hein, ou bien l'avertissement de l'idiot, hein, au sujet de la mécréance de Ibn Arabi. Et c'est une réfutation qui a été écrite en livre, hein, qui réfute ce poème de Ibn al-Farid. Et il y a une édition de cette réfutation qui a été publiée. Et il y a sur cette réfutation les commentaires du Cheikh Abdurrahman al-Wakil, rahimahullah. Et cette réfutation, donc, comme on dit, avec les commentaires de Cheikh Abdurrahman al-Wakil, rahimahullah, qui était un des shuyukh de l'Égypte, un des shuyukh de Ansar al-Sunna al-Muhammadiyya de l'Égypte, qui justement a fait des commentaires très bénéfiques sur ce livre écrit par Al-Bukhari, et il est publié avec les commentaires du Cheikh Abdurrahman. Il a même à un moment donné été distribué gratuitement. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, Ibn Taymiyyah il mentionne, il dit donc: Wa hadhihi al-aya sabbaha lillahi ma fi as-samawati wal-ard wa huwa al-aziz al-hakim. Tarud ala ahli wahdati al-wujud alladhina sabaqa dhikru madhhabihim. والتسبيح معناه التنزيه أي كل شيء في السماوات والأرض من المخلوقات ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب ومن أعظم ذلك هذا المذهب الخبيث فإن جميع ما في السماوات وما في الأرض ينزه الله منه ويبطله فدل هذا على أن هذه المخلوقات هي غير الله لأنها تسبح لله تسبح الله وتنزهه عن الباطل فهي غير الله عز وجل يعني فهي غير الله هي مخلوقة والله هو الخالق. Donc ici Ibn Taymiyyah il a mentionné comme preuve aussi pour réfuter cette croyance de Wahdat al-Wujud le verset dans Surat Al-Hadid, le verset 1 dans Surat Al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard » ou « Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard » Donc ça c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, hein, tout sabbih, hein, Yusabbihu. Sabbaha. Le cheikh, il dit sabbaha, ça veut dire nazaha. Yani, at-tanzih. Donc, at-tasbih, c'est dans le sens de at-tanzih. Et la traduction en français, c'est tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Mais le terme tasbih, ça veut dire plus que glorifier. Ça veut dire également, ça veut dire purifier. Et le cheikh explique que le sens donc de ce verset-là, c'est pour réfuter les gens qui ont toutes sortes de fausses croyances à propos d'Allah. Et parmi les fausses croyances, la croyance en Wahdatul Wujud. Donc il dit, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, parmi les créatures, purifie Allah subhanahu wa ta'ala de toutes les imperfections et de tous les défauts. Et parmi les plus grands exemples de ce genre d'imperfections et de défauts, cette fausse croyance qui est mauvaise, la croyance en Wahdatul Wujud, ceux qui croient que tout ce qui existe est Allah et qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Donc ce verset-là est une réfutation de cette croyance-là, puisque tout ce qui est dans les cieux et sur la terre purifie Allah subhanahu wa ta'ala et exalte Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce verset réfute, hein? Ce verset réfute parce que ça veut dire que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre purifie Allah et réfute et détruit et montre la fausseté de ces fausses croyances-là. Ça prouve que les cieux et la terre sont des créatures et qu'ils ne sont pas Allah, puisqu'elles purifient Allah et qu'elles glorifient Allah subhanahu wa ta'ala de toute forme de fausseté et de fausses croyances. Et c'est la preuve qu'elles ne sont pas Allah, mais qu'elles sont autres que Allah et que Allah, lui, est le créateur. Un cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ensuite, « Thumma qala ta'ala, lahu mulku samawati wal ard, yuhyi wa yumit. » وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il continue, il explique les deux autres versets après celui qu'on a mentionné, qui était le premier verset de sourate al-Hadid. Il mentionne le verset 2 et 3 dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, à lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre, il fait mourir, et il est omnipotent. C'est-à-dire, wa huwa ala kulli shay'in qadir, il a le pouvoir sur toute chose. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Et il est omniscient. Al-dhahir wal-batin, ils l'ont traduit par l'apparent et le caché. Donc, quand on regarde par exemple l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce verset-là, dans le dua qu'il a fait, il a dit وَأَنْتَ الْأَوَّلْ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٍ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٍ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٍ وَأَنْتَ الْبَاطِنَ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ. Donc, ça signifie en fait dans ce dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est toi le premier, il n'y a rien avant toi, et c'est toi le dernier, il n'y a rien après toi, et c'est toi al-dhahir, hein? Et ici ça veut dire c'est toi qui est au-dessus, c'est toi celui qui est au-dessus, il n'y a personne au-dessus de toi. Wa anta al-batinu falaysa dunaka shay, et al-batinu, il a dit c'est toi le plus près. Il n'y a personne qui est plus près de toi. Hein? Il n'y a personne qui est plus près que toi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Et en même temps, il est plus proche de sa création par sa science, par sa connaissance, par son ouïe, par sa vue et aussi par ses anges. Donc ça c'est l'explication donc de ce verset-là, et le cheikh il l'explique justement, on va lire son explication ici, les commentaires de cheikh Al-Fawzan, il dit فَهُوَ مَالِكُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَلَيْسَتْ هِيَ هُوَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ وَاحِدٌ الْمَالِكُ وَالْمَمْلُوكُ فَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْمَالِكُ وَالْمَمْلُوكُ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فالسماوات والأرض ومن فيهن غير الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يجعل الحياة في المخلوقات حياة النمو كالنباتات والأشجار وحياة الحركة كالحيوانات فالله هو الذي يجعل فيها الحياة ثم يميتها ينزع منها هذه الحياة تصبح ميتة فهو يتصرف فيها سبحانه وتعالى بقدرته فدل على الفرق بين الخالق والمخلوق. Donc le Cheikh il explique comme Allah il le mentionne dans ce verset au début, lahu mulku samawati wal ard. À lui appartient la possession de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est lui le maître, c'est lui le maître, le propriétaire des cieux et de la terre. Donc ces choses-là, il est le propriétaire, c'est lui le maître de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc les cieux et la terre, ce n'est pas lui. Et c'est pas possible qu'une chose soit en même temps propriété et propriétaire. Il y a une différence entre le propriétaire et la propriété. Et donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui donc le roi, le maître, le propriétaire des cieux et de la terre. Et les cieux et la terre, et tout ce qui est dedans, n'est pas Allah. Il fait vivre et il fait mourir, et c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Et le cheikh explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la vie aux créatures. Soit la vie par la croissance, comme par exemple les plantes et les arbres qui continuent de croître et de grandir, ou bien la vie du mouvement, comme les animaux qui, non seulement elles grandissent, mais aussi elles bougent, et elles ont un mouvement, donc comme les êtres humains et les animaux. Et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui met la vie dans ses créatures et c'est lui également qui les fait mourir, c'est-à-dire il retire la vie et elles deviennent donc par conséquent mortes. Et c'est lui qui gère cela par sa puissance. Et donc ça c'est la preuve qu'il y a une différence entre le créateur et la créature. Et il dit wa huwa al-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-batin. هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدل على بطلان وحدة الوجود لو كان مذهبها صحيحا ما كان هناك أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن لأن كل شيء واحد فدل على أنه الأول قبل وهو الظاهر فوق كل مخلوقاته الظاهر على أي شيء على مخلوقاته والباطن الذي لا يخفى عليه شيء مع كونه ظاهرا فوق مخلوقاته لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يحجبه شيء سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فدل هذا على بطلان مذهب وحدة الوجود لأنه لو كان ما يقولون ما كان هناك أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن لأن الأشياء كلها شيء واحد وهذه أسماء متقابلة الظاهر يقابله الباطن والأول يقابله الآخر الظاهر يقابله الباطن فهي متقابلة. Donc comme on l'expliquait par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, il est le premier et le dernier, et le zahir et le batin, donc celui qui est au-dessus de tout et celui qui est près de tout. Et ça c'est la preuve que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué dans le dua dont j'ai mentionné tout à l'heure, et ce dua il est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, qu'il est le premier, il n'y a rien avant lui, il est le dernier, il n'y a rien après lui, et il est al-zahir, celui qui est au-dessus, et il n'y a personne qui est au-dessus de lui, et c'est lui qui est al-batin, c'est-à-dire qui est près de tout, et il n'y a rien qui est plus près de quelque chose que lui. Rien ne peut être plus près de quelque chose que lui, Donc, il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a rien qui est caché de lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a mentionné ça dans son explication de ce verset, dans le dua qu'il faisait, et il dit ça, c'est la preuve. Le cheikh dit ça, c'est la preuve de la fausseté de la croyance en Wahdatul Wujud. Il dit, si cette croyance était vraie, eh bien, il n'y aurait pas de premier et de dernier, puisque il n'y aurait que Allah qui existe. Ça veut dire, il n'y aurait pas de premier ni de dernier, puisque tout serait le premier et le dernier. Et il n'y aurait pas de plus haut ou de plus près, ou de au-dessus ou de plus près, puisque toutes les créatures et tout le créateur et la créature seraient une seule et même chose. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est le premier, donc ça veut dire que il y a personne avant lui, il n'y a rien avant lui, et il est le dernier, il n'y a personne et il n'y a rien après lui. Et c'est lui qui est al-dhahir, c'est-à-dire au-dessus de toutes ces créatures. Et quand le cheikh dit, et c'est qui donc qui est al-dhahir? Il est dhahir au-dessus de quoi? Au-dessus de toutes ces créatures, au-dessus de toutes choses. Et al-batin, c'est-à-dire il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a rien qui est caché de lui. Donc malgré qu'il est au-dessus de sa création, malgré ça il n'y a rien qui lui échappe, comme on l'a expliqué. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-Ali al-A'la. Parmi ses noms, il y a le nom de al-Ali, qui veut dire celui qui est très haut. Et al-A'la, c'est-à-dire le plus haut. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Et il n'y a rien qui lui échappe malgré ça, de toutes ses créatures, parce que par sa science, par son ouïe et sa vue, il sait tout ce qui se passe et même les secrets que nous avons dans notre âme, il les connaît. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, il n'y a rien qui est caché de lui. Donc, ce verset est une réfutation de la fausseté de la croyance en Wahdatul Wujud. Et, c'est ça. Si ce qu'il disait était vrai, il n'y aurait pas de premier ni de dernier, ni d'apparent, ni de caché, ni de quoi que ce soit de cela. Et donc, il dit que Al-Dahir et Al-Batin et Al-Awwal wa Al-Akhir, c'est des noms qui... c'est des noms qui sont, on dit en arabe, mutaqabila. C'est-à-dire, c'est comme al-awwal. Comment je pourrais dire ça? Al-awwal ou al-akhir, c'est comme si c'est des noms qui sont. Mutaqabila, c'est-à-dire ils sont un en face de l'autre. Mais en même temps, ici, on comprend le sens. C'est comme si pour dire que ils sont reliés d'une certaine façon par leur sens, parce que c'est pas des opposés, mais c'est des, en tout cas, c'est pour dire que le premier et le dernier, c'est des noms qui sont l'un avec l'autre, ils se font face l'un à l'autre, et al-dhahir, celui qui est au-dessus de tout, et al-batin, celui qui est proche. Cheikh Al-Fawzan expliquait à propos de ces noms-là, parmi les noms d'Allah, dans son charh de Al-Aqidatul Wasitiyya, que Al-Awwal wal-Akhir, ça a rapport avec le temps, par rapport au temps, parce que Allah, il est le premier et le dernier. Il n'y a personne avant lui, il n'y a personne après lui. Tandis que Al-Zahir wal-Batin, ça a rapport avec l'espace, dans le sens que il n'y a personne qui est au-dessus d'Allah, et il n'y a personne qui est plus près d'Allah. Donc il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il est élevé au-dessus de toutes ses créatures. Donc ça c'était l'explication à ce sujet. Ça réfute clairement les idées des gens qui croient en Wahdatul Wujud. Après le cheikh, il dit ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il cite un hadith rapporté par l'imam Muslim. Il dit: وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من كل شر من أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. Donc ça c'est le dua dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son dua: Ô Allah, Seigneur des sept cieux et Seigneur du grand trône, notre Seigneur, hein, et Seigneur de toutes choses, celui qui fend la graine, hein, et qui a fait descendre la Torah, c'est-à-dire qui a révélé la Torah, l'Évangile et le Coran, je cherche refuge en toi contre le mal de toute bête, hein, de tout animal, de toute créature que tu vas prendre par le toupet, hein, au jour de la résurrection. Elle dit, tu es le premier, il n'y a rien avant toi, tu es le dernier, il n'y a rien après toi, tu es, hein, celui qui est au-dessus, al-zahir, il n'y a personne qui est au-dessus de toi, et tu es al-batin, le caché, il n'y a personne qui est plus près de toi, il n'y a personne qui est plus près que toi de quoi que ce soit. Et il dit, règle ma dette et enrichis-moi de la pauvreté. Donc, le Cheikh Al-Fawzan il dit, هذا الحديث صحيح. هذا الحديث الصحيح يفسر الآية الأول والآخر الظاهر والباطن لأن معنى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر ليس الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. فهذا الحديث يفسر الآية تفسيرا واضحا ويدل على الفرق بين الخالق والمخلوق كما تقوله لا كما تقوله لا كما تقوله وحدة الوجود فهناك فرق بين الخالق والمخلوق. Donc le Cheikh il dit, ce hadith il explique bien le verset. Donc le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il dit la signification de ça, c'est clair, c'est celui qui a personne avant lui. Le premier, c'est celui qui a personne avant lui. Le dernier, c'est celui qui a personne après lui. Al-Zahir, celui qui est apparent, il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Et le caché, il n'y a personne qui est plus près de lui, hein, plus près que lui de quoi que ce soit. Et ça, c'est un hadith donc, qui explique clairement le verset. Et donc, il y a une preuve dans ce verset de la distinction entre le Créateur et la créature, contrairement à ceux qui croient en Wahdatul Wujud. Hein, on voit qu'il y a une distinction claire entre le Créateur et la créature. Après, il dit « ثم قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Donc le Cheikh il dit ici, il cite la suite du verset, hein, de Surat Al-Hadid, le verset 4. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est élevé sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait le tafsir maintenant de ce verset-là, et il dit, « هذه الآيات من مطلع سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلقها بجميع ما فيها هذا دليل على الفرق بين الخالق والمخلوق وأن الله هو الخالق وما سواه فهو مخلوق في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة فصلى ف... ففصل فيها الخلق كما جاء في الحديث أنه خلق في يوم الأحد كذا وخلق في يوم كذا، وكما في الآية الأخرى التي تفسر تفصيل تفصل كيفية خلقه للسماوات والأرض في هذه الأيام الست. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يعني خلقها في يومين، وتقدير الأشياء التي فيها في يومين هذه أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ائتيا فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذا جمعت يومين ويومين ويومين تكون ستة أيام. فهذا تفصيل لما أجمل في هذه الآية في ستة أيام. والله على كل شيء قدير، يقدر أنه يخلقها يقدر أن يخلقها في لحظة، ولكن خلقها في ستة أيام لحكمة إلهية، وإلا فهو قادر على أن يخلقها في لحظة. ثم استوى على العرش أي على وارتفع، يعني والعرش هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات فوق المخلوقات، والله يعني فوق العرش. استوى أي على وارتفع عز وجل، ومع علوه على العرش لا يخفى عليه شيء في قرع البحار وفي أي مكان، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعني ما يدخل في الأرض من الأموات والمخزونات وما يخرج منها من النباتات والمعادن وما ينزل من السماء، يعني من الماء والمطر ومن الملائكة ومن الأرزاق وما يعرج فيها، يعني يصعد إليها من الملائكة والأعمال أعمال بني آدم كلها تصعد إلى الله عز وجل. هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم أيها الناس المؤمنون والكفار، هذه معية عامة، ومعكم بعلمه وإحاطته مع أنه فوق العرش، فهو معكم قريب منكم لا تخفون عليه أينما كنتم، يعني في أي مكان كنتم فهو معكم لا تخفون عليه ولا تغيبون عن علمه سبحانه وتعالى ولا تحتجبون من رؤيته، بل هو يراكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير لا تخفى عليه أعمالكم، ويبصرها ويراها سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه. فهذه المعية معية عامة لجميع المخلوقات، ومعناها الإحاطة، وليس معناها وهو معكم أي ليس مختلطا بكم كما تقوله الحلولية، بل هو معنا بعلمه وإحاطته ورؤيته وبصره عز وجل وسمعه، هذه المعية، فهو بل هو معنا بعلمه وإحاطته ورؤيته وبصره وسمعه سبحانه وتعالى، هذه المعية ليست معية اختلاط. OK, donc ce passage là c'est un passage très très important et très très bénéfique à comprendre. Ici le cheikh il explique, il dit que les versets qu'il mentionne ici sont les premiers versets de sourate Al-Hadid. Et maintenant, le verset 4 en particulier, c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie que Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et ça, c'est encore une fois une preuve de la distinction entre le Créateur et la créature, puisque c'est lui ici clairement qui dit qu'il a créé les cieux et la terre. Et que tout ce qui est en dehors d'Allah, eh bien, fait partie de ses créatures. Et qu'il les a créés en 6 jours. Le premier de ces 6 jours, c'est le jour yani, qu'on appelle en français le dimanche. En arabe, dimanche, c'est Al-Ahad. En fait, le nom des jours en arabe, c'est des chiffres, en réalité. Parce que le dimanche, c'est le jour 1. Et le lundi, c'est le jour 2. Et le mardi, c'est le jour 3. Et le mercredi, c'est le jour 4. Et le jeudi, c'est le jour 5. Et le dernier jour, c'est le jour du vendredi, hein, Al-Jumu'a. Et le samedi, c'est Al-Sabt. Donc, ça, c'est les 6 jours, hein, de la création. Du dimanche au vendredi, c'est les 6 jours de la création. Et il dit, le cheikh, ici, que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il explique que ces 6 jours ont été détaillés, hein, dans certains hadiths et dans certains versets. Donc il y a des versets dans lesquels il y a des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que certaines créations ont été créées tel ou tel jour, et il y a des versets aussi dans le Coran qui expliquent également que certaines créatures ont été créées certains jours aussi. Et il mentionne comme exemple les versets dans Sourate Fussilat, les versets détaillés au sujet de la création justement, versets 9, 10, 11 et 12. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie dans Sourate Fussilat de 9 à 12, dit: reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours? Hein? Donc ici, il mentionne la création de la terre en 2 jours. Et lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. Ensuite, il dit: c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui s'interrogent. Donc ça veut dire 2 plus 2, ici ça fait 4. Hein? Ça fait 4 jours. Et il s'est ensuite adressé aux cieux. Donc la terre, il a donné 4 jours, hein, pour la création de la terre et ce qui est dessus. Et ensuite le verset 11, et il s'est ensuite adressé aux cieux, qui étaient alors en fumée, et lui dit, ainsi qu'à la terre: venez tous deux, bon gré, mal gré. Et tous deux dirent: nous venons obéissants. Et le verset 12, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de la dunya, c'est-à-dire, hein, comme il dit, وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, c'est-à-dire les étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le Puissant et l'Omniscient. Donc ça veut dire que le ciel qu'on voit, hein, quand on regarde le ciel la nuit, tout ce qu'on voit comme étoile, ça c'est Sama Dunya. Ça c'est le dernier, le plus proche des 7 cieux. Et donc, hein, ça nous montre la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le total, le Cheikh il dit, si on calcule, 2 jours plus 2 jours plus 2 jours, le total ça fait 6. Et donc ça, c'est les détails de ce qui a été mentionné de façon générale par rapport à ce verset-là dans la création des cieux et de la terre en 6 jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire tout ce qu'il veut. Il a le pouvoir de faire, hein, ce qu'il veut, et il a le pouvoir sur toute chose. S'il voulait créer les cieux et la terre en un seul instant, il aurait pu les créer en un seul instant. Mais il a voulu les créer en 6 jours pour une sagesse. Et ensuite, il dit, la suite du verset, « Summastawa ala l'arsh », c'est-à-dire « puis il s'est élevé sur le trône ». « Istawa » en arabe signifie « ala wartafa », c'est-à-dire « s'élever hein? », monter au-dessus de quelque chose ou s'élever. Et « al-arsh », c'est le trône. Et c'est la plus grande de toutes les créatures. Parmi tout ce que Allah a créé, il n'y a rien qui est plus grand que « al-arsh ». Et c'est plus grand que les cieux et la terre et tout ce qu'il y a dedans. Et ensuite, il dit « c'est la plus haute, la plus élevée de toutes les créatures, et c'est la plus grande de toutes les créatures, et elle est au-dessus, le trône est au-dessus de toutes les autres créatures. Et Allah est au-dessus du trône. » Et quand il dit « Istawa hein, », ça veut dire qu'il s'est élevé, hein, il s'est élevé sur le trône, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus du trône, il n'y a rien qui lui échappe malgré qu'il est au-dessus de son trône. Même les choses qui sont enfouies au fin fond de l'océan, Allah subhanahu wa ta'ala les voit et il les connaît. Donc il n'y a rien qui lui échappe, peu importe l'endroit ou le lieu où cette chose se trouve. Et il mentionne ça comme explication justement dans la suite du verset. « Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha » Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. Il dit, ce qui pénètre dans la terre, comme les morts qui sont enterrés, ou les trésors qui sont enfouis, et ce qui sort de la terre comme plantes, ou comme matériaux, ou métaux, ou peu importe qu'est-ce qui peut être enfoui dans la terre et qu'on fait sortir. Ou ama yanzilu minas sama, et ce qui descend du ciel, comme l'eau, hein, la pluie, les anges ou la subsistance qu'il fait descendre, wa ma ya'ruju fiha, et ceux qui montent hein, dans les cieux, comme les anges, les œuvres qu'on fait, hein, parce que les œuvres des fils d'Adam sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah il le mentionne dans le Coran, wa al-amalu salihu yarfa'u. Et ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé et qu'il est au-dessus de sa création. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ Et il est avec vous où que vous soyez. C'est-à-dire, ô vous les hommes, que vous soyez croyants ou non-croyants, que vous soyez... Naam. Naam. L'imam Malik, rahimahullah, قال الاستواء معلوم. Ou الاستواء قال الاستواء غير مجهول. وفي رواية الاستواء معلوم. والكيف غير معقول. أو في رواية والكيف مجهول ها؟ والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يعني donc ça c'est la parole célèbre de l'imam Malik rahimahullah à propos de l'istiwa et c'est une parole qu'il a mentionnée à propos de la personne qui avait posé la question à l'imam Malik كيف استوى il a dit à l'imam Malik comment est-ce que Allah s'est élevé sur le trône. Et l'imam Malik, il a pas accepté cette question. Il a été très fâché parce qu'on n'a pas le droit de poser la question du kayf à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il a dit, al-istiwa ma'loum. Et les ulama, ils expliquent en disant que l'istiwa, le mot, le verbe, ou bien le nom, istawa, dans la langue arabe, il est connu. C'est pas un verbe qui est inconnu. Hein? C'est pas comme si c'était quelque chose que les Arabes comprenaient pas. Donc, al-istiwa ma'loum, ghair majhoul. Wal-kayf, et le comment, ghair ma'koul. C'est-à-dire, tu peux pas le comprendre par ton aql. Comment Allah s'est élevé sur le trône. Exactement. Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, on n'a pas le droit d'essayer d'imaginer même comment Allah s'élève sur le trône ou comment il est au-dessus du trône. Donc, la seule chose, c'est qu'on doit y croire. C'est pour ça qu'il dit l'imam Malik, « وَالْإِيمَانُ بِهِ wajib. » C'est obligatoire de croire en ça et de l'affirmer tel quel et de ne pas essayer justement de le déformer ou de changer sa signification والسؤال عنه بدعة. Et de poser la question du commun, c'est une innovation, c'est une bid'a. Ça ne fait pas partie de la religion, puisque nos salafs, les sahaba, hein, n'ont jamais posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Kayfa istawa ?» Donc, de toute façon, même si on posait cette question, on ne peut pas avoir la réponse, puisque Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas expliqué le commun. Donc, s'il ne nous l'a pas dit, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le comprendre. Donc, ça c'est par rapport à cette explication, par rapport à l'istiwa. Parce qu'il y a des groupes parmi les sectes qui ont dévié sur cette question, comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila et les Asha'ira. Eux, ils nient l'istiwa. Ils disent non, on n'a pas le droit de dire que Allah istawa. Parce qu'ils disent que ça c'est de faire tashbih. Ils disent, si tu dis Allah stawa ala al-arsh, hada tashbih bayna al-khaliq wal-makhluq. Ils disent ça, c'est faire ressembler le créateur à la créature. Donc eux, ils nient ça. Et il y en a parmi eux, comme les Asha'ira, ils disent al-istiwa bima'na istawla. Yani bima'na annahu yani al-haymana wa yani al-ghalaba. Hein? Donc ils disent Allah il a pris le contrôle du trône, il a conquis le trône, alors que en réalité cette interprétation là qu'ils font, elle est non seulement incorrecte sur le plan linguistique en arabe, parce que le mot istawa ça ne veut pas dire istawla, et elle est incorrecte sur le plan de la croyance aussi, parce que ça impliquerait que quelqu'un d'autre avait le contrôle du trône avant Allah, puis que Allah l'a repris et l'a conquis le trône. Donc quelqu'un aurait eu le trône d'Allah avant Allah. Ça c'est clair que c'est faux. Donc cette interprétation qu'ils ramènent, elle est fausse. Et l'idée qu'ils ont que le fait de dire que Allah istawa ala al-arsh, il y a dans ça une ressemblance entre le créateur et la créature, c'est faux, puisque Allah il dit laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Hein? Il n'y a rien qui est semblable à lui. Wa huwa as-sami'ul basir. Il est l'audient et le voyant. Allah, il est audient et voyant. Et les êtres humains sont audients et voyants. Mais l'ouïe d'Allah correspond à Allah, à sa perfection et à sa grandeur et à sa majesté. Et l'ouïe de la créature correspond à la créature. Comme l'être humain, la créature, elle est imparfaite et incomplète, eh bien son ouïe et sa vue est incomplète et imparfaite également. Et il n'y a pas donc de tashbih, il n'y a pas donc de ressemblance entre le créateur et la créature. Et la même chose qu'on dit à propos de as-sam' ou al-basar, on peut le dire aussi à propos de al-istiwa, ou al-yad, ou al-ayn, ou toutes les autres attributs également. D'accord? Et ensuite, quand il dit « wa huwa ma'akum ayna ma kuntum », c'est pour ça que certains parmi les gens de parmi les gens, parmi les musulmans, il y en a qui ont été d'une façon ou d'une autre, ils ont été influencés par les Mu'tazila et par les Jahmiyya sans le savoir. Et ils répètent, par exemple, quand on leur pose la question Ain Allah, où est Allah, ils disent Allah fi kulli makan. Et ils pensent que dans le verset wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, que ça c'est une preuve pour dire que Allah fi kulli makan. Qu'est-ce que ça veut dire fi kulli makan? Quand on leur demande où est Allah, ils disent Allah est partout. Hein? Et ils prennent comme exemple pour justifier ça le verset dans lequel Allah dit et il est avec vous où que vous soyez. Donc ils disent ça c'est la preuve que Allah est partout. Alors que on a vu clairement que Allah, il le dit dans le verset, qu'il est au-dessus de son trône. Donc, il n'est pas partout. Il est au-dessus de son trône, hein, au-dessus de sa création. Et quand il dit, et il est avec vous, où que vous soyez, le fait de dire qu'on est avec quelque chose ne signifie pas qu'on est nécessairement mélangé avec cette chose. Hein. Si je dis, par exemple, la lune est avec moi quand je marche la nuit, si tu es en voyage sur la route, tu vois que tu as l'impression que la lune te suit. Hein? Les ulama, ils disent en arabe, « Sirtu wal-qamar ». « Sirtu wal-qamar ». Et ici, ça ne veut pas dire que tu es avec la lune, mélangée avec elle. Hein? La même chose aussi quand tu veux dire, par exemple, à des gens, supposons que quelqu'un, il parte, une équipe part pour aller faire un match quelque part, et toi, tu vas pas aller avec eux. Et tu dis, allez-y, je suis avec vous. Même si tu n'es pas physiquement présent avec eux, mais tu es avec eux par ton soutien, par ton support, par ton encouragement, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une forme de maïa, comme on dit. Et ici, le cheikh, il explique, il dit, le fait qu'Allah dise qu'il est avec yani sa créature ici, il est avec vous, avec toutes ces créatures, qu'ils soient croyants ou non croyants. C'est ce qu'on appelle al-ma'iyatul amma, c'est-à-dire le fait qu'il soit avec ces créatures de façon générale par sa science, par le fait qu'il les cerne et qu'il les enveloppe par sa science et par sa connaissance, malgré qu'il est au-dessus de sa création, il est avec sa créature, il est proche de ses créatures et il n'y a rien qui, y a rien qui leur échappe. Hein? C'est comme si, par exemple, je donnais un exemple à des gens parfois, si je vais en voyage, par exemple, je vais en voyage, je suis dans un autre pays, dans un autre continent, et dans mon téléphone, j'ai l'application pour voir les caméras de la mosquée. Donc, malgré que je suis en Afrique ou en Europe ou en Arabie, pendant que moi je suis là-bas, sur mon téléphone, je vois qu'est-ce qui se passe dans cette mosquée. Donc, ça veut dire que je peux être présent ici et voir ce qui se passe malgré que je ne suis pas présent en personne. Ça, c'est un exemple par rapport aux êtres humains. Hey, comme on dit, hein? Allah subhanahu wa ta'ala a l'exemple le plus parfait, le plus grand encore. Donc, ça veut dire que si un être humain il est capable à distance, de voir dans un endroit qu'est-ce que les gens font alors qu'il n'est même pas présent, que dire d'Allah qui lui voit tout et sait tout et entend tout, hein? Donc, ça veut dire qu'il cerne et il enveloppe. Et comme il dit il cerne et il enveloppe sa créature par sa science et sa connaissance et son ouïe et sa vue. Et il dit même dans certains versets, وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Il est plus proche de lui que sa veine jugulaire, hein, la veine qui est dans son cou. Et dans un autre verset, il dit, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Et nous sommes plus près de lui que vous, mais vous ne voyez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus près de ses créatures par sa science et par ses anges qui viennent à ce moment-là arracher son âme au moment de la mort. Hein? Donc, ici, on parle d'être avec la créature, non pas d'être mélangé avec la créature ou d'être fusionné avec la créature, contrairement à ce que pensent les soufis, mais plutôt d'être avec la créature par la connaissance, avec la science, et par la vue et par l'ouïe. Hein? Donc, il est au-dessus de sa création, il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a rien qui est caché de lui, et il sait et il voit tout ce qui se passe, malgré qu'il est au-dessus de sa création. Donc, on parle ici de cerner et de la connaissance. Non pas comme les gens de Hulul, parmi les soufis, qui croient qu'il est mélangé avec sa création ou qu'il est partout, comme avec sa personne ou son être, mais il s'agit ici du fait qu'il voit, il entend et il sait tout et il cerne tout de sa science. Donc ça, c'est la signification de ce verset ici. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain, on continuera. Demain, c'est Jumu'ah. Donc on va continuer ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Avec la suite de ces clarifications-là. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.